Tout de suite, François Morel. Écoutez, j'ai payé mes cotisations heure après heure, ça c'est une chose que je voulais vraiment vous dire. J'ai fait ma sentence, mais commis aucun crime, et les mauvaises erreurs, j'en ai fait quelques-unes, je ne dis pas le contraire, j'ai eu ma part de sable lancée dans mon visage, comme on dit, comme on ne dit pas souvent. Mais j'ai survécu, nous sommes les champions, et nous continuerons à nous battre jusqu'à la fin, nous sommes les champions, nous sommes les champions, pas de temps à perdre pour RTL, puisque nous sommes les champions de France, oui. Ambiance de folie à Radio France, de liesse particulièrement à France Inter, après les résultats formidables publiés par Médiamétrie. Des audiences records. 6,4 millions d'auditeurs chaque jour. Record historique. RTL relégué à la deuxième place. France Inter, première radio hexagonale. Joie, allégresse, enchantement, fierté, plaisir, exaltation. C'est une récompense merveilleuse pour toutes les équipes. Bravo, merci. C'est une victoire de la culture joyeuse, de l'excellence rieuse, de l'élitisme jovial et surtout de la modestie. Ainsi que l'a dit Laurence Bloch, on leur a bien niqué leur race à RTL. Comment fêter ces résultats de manière significative? Il fallait trouver des idées originales. La direction n'a pas ménagé ses efforts pour répondre à ce succès de manière inédite. Comment mieux exprimer un merci qu'en remerciant une partie du personnel? C'est ainsi que durant les trois prochaines années, 299 personnes se verront offrir des vacances illimitées. Elles l'ont bien mérité. Et à partir de lundi 25 novembre, afin de fêter ces merveilleux résultats, une antenne entièrement consacrée à la musique. Des playlists en continu, des grands succès, des découvertes, une autre façon d'inventer la radio en évitant de tomber dans les pièges du bavardage et du discours. De temps en temps, une voix bien posée, assurée, sera là pour rappeler que la radio, cependant, ne doit pas être simplement un robinet à musique. En raison d'un appel national à la grève, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Il faut convenir que cette façon de faire a déjà été expérimentée plusieurs fois dans le passé et a donc fait ses preuves dès lundi. Et peut-être pour une beaucoup plus longue période, toute une partie du personnel pourra commencer l'apprentissage du mélodica. Merci François Morel.